Je dirais que la composition est issue du son et non pas de la, du calcul. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Et quand on écrit, on a besoin de stimulants, c'est vrai. Pas seulement de café, mais aussi de quelque chose qui existe, qui est fait par d'autres. On est un parmi des milliers. Sans arrêt, on a besoin de dire qu'est-ce qu'il a fait, lui. Ah oui, j'avais oublié ça. Ça existe. Ben, un fragment de Beethoven, de Bartok, ou de musique d'aujourd'hui. C'est, tout ça peut... Quand on est en ce qu'on appelle en état de création, comme disait Georges Aldas, on est en train de capter toutes sortes d'ondes autour de soi. Puis en même temps, on en a besoin. En même temps, il faut s'en éloigner à un certain moment. Donc il y a cette balance, ce mouvement d'aller-retour. Dans ma assez longue carrière d'enseignant, donc j'ai terminé avec un remplacement à la Haute École de Berne. Quand Xavier Dallière était à Rome. Où il y a cette classe assez spéciale aussi de théâtre musical. Voilà. C'est vraiment une exception et quelque chose de très intéressant et important. On parlait d'Anna Spina, elle a fait aussi ce chemin de théâtre musical là-bas. Et Aline German, qui est un jeune compositeur de la génération des 30 ans. Que j'ai découvert donc avec vous, mais vous voyez ce voilà. Nom, je ne connaissais absolument non, pas. Non, il n'est pas connu ici parce que... Il est né en Roumanie, il est belge, mais il a fait ses études professionnelles à Berne. Et justement, à la fois au théâtre musical et dans la classe de Xavier Dallière. Et donc, j'ai suivi un peu son travail. Et la pièce dont on écoute quelques extraits s'appelle Haute Tension, où il met en jeu un pianiste et un percussionniste. Un extrait de Haute Tension pour piano préparé et percussion, une œuvre écrite en 2008 par Aline German, jeune compositeur d'origine roumaine, interprétée ici par Natalia Kodziars au piano et Simon Forster à la percussion. C'est un de vos coups de cœur, Éric Gaudibert, cette association piano préparé et percussion, marimba, qu'on entendait, c'est assez... ça se croise bien, ça oui, se mélange très très bien. C'est idéal, hein, le piano, comme j'étais pianiste, j'ai bien, évidemment, je suis très sensible à ça. Le piano est une machine extraordinaire. Ça me rappelle que, justement, étant pianiste, j'avais pas tellement envie d'écrire pour piano parce que ça me paraissait trop facile. Et que la pièce dans laquelle je me suis lancé dans les années 70-75, quand j'étais à Genève pour le Centre de recherche sonore. C'est devenu Solstice pour piano et banc magnétique. Donc, pour moi, c'était le piano total. Il me fallait ça. Hein, donc, il fallait une extension. Oui. Qui était donnée par la bande. Qui était le travail sur les sons du piano, mais transformé. Mmh, mmh.